Selon la radio sud-coréenne KBS, le comité de mesure des affaires de collaboration économique sud-nord et le conseil des industriels du Mont Kumgang ont tenu le 18 devant le siège du gouvernement à Séoul une conférence de presse pour demander la reprise du tourisme au massif Kumgang.